Bonsoir à toutes et à tous, c'est Thierry Gallet et franchement, bon, en bon français, il fait chaud. Ah oui. Là, dans le studio, je suis torse nu. Heureusement qu'on n'a pas la webcam, hein, parce que franchement, il fait trop trop chaud. J'espère que vous êtes torse nu aussi et que tout va bien se passer jusqu'à 22h parce que là, nous avons le droit au dernier moment, l'avant-dernière émission d'abord, c'est la saga des Fabfors numéro 643 et je vous propose un best-of McCartney. Encore ? Oui, le cinquième et le dernier. Mais c'est un best-of live. Oui, parce qu'on avait fait que des albums studio, 8 heures de studio, on va faire 2 heures de live. Ah, c'est pas mal, on pourrait en faire encore 2 heures de plus après, mais on fera autre chose pour la dernière émission. Elle est déjà prête depuis un moment. Bref, je ne vous dis rien, pour la peine, puisque c'est comme ça. Ça va bien se passer, je pense. Et je vous retrouve sur le groupe Facebook dans la saga des Fab Four. Imaginons que Paul vienne ce soir au Stade Bordelais et il fait un show solo ce coup-ci, pas avec ses copains. Non, c'est solo. Un truc près. Oui, à un moment donné, il y aura un invité. Mais c'est pour le plus grand plaisir de tout le monde. Je vous ai rassemblé des petits moments Beatles, des petits moments rock, des petits moments balade, un peu de tout. Et des chansons connues et des chansons que l'on entend évidemment un petit peu moins souvent. On se retrouve donc sur Facebook et je vous souhaite une très très bonne soirée jusqu'à 22h. Le groupe Facebook évidemment c'est la saga des Fab Four. Sur RIG. Premier titre, vous vous en doutez, c'est le long medley de départ qu'on aimerait bien qu'il nous refasse. Avec peut-être So Glad to See You Here dedans, ce serait génial. Voici Venus and Mars Rock Show Jet sur RIG. Bonne soirée. Yeah. Fab Four numéro 643 sur RG Best of Paul McCartney en live.

J'ai voulu proposer cette version de And I Love Her, un petit clin d'œil à Julie Harrison, qui est une fan de la saga des Fab Four et qui adore cette version de Unplugged en 1991 sur l'album, sur l'album Unplugged. Voilà. Vous êtes sur RIG 90.7. On va en profiter, tiens, puisque je reprends la parole, pour souhaiter un bon anniversaire à Paul McCartney, 83 ans aujourd'hui. Alors, j'ai appris aujourd'hui, en regardant Internet, qu'il y a une différence entre Paul McCartney et Ringo Starr. Ringo Starr a 80, enfin, a bientôt 85 ans, et lui, il dit « j'ai 24 ans dans ma tête ». Alors que Paul McCartney, il vient d'avoir 83 ans, et il pense « j'ai 17 ans dans ma tête ». Et quand même, ça fait une différence. On va faire un petit point, si vous le voulez bien, pour que vous sachiez tout ce qui a été proposé depuis le début de l'émission. On a commencé avec Venus and Mars, Rock Show Jet, puis il y a eu 20 Flights Rock, ainsi qu'une soundcheck, je cherchais le mot, j'allais dire jam session, non, soundcheck, Whole Lot of Shaking Going On. Il y a eu I Love Her, tiré de Unplugged, en 1991, une version un petit peu plus lente, vous l'avez remarqué, c'est bien. Puis Paperback Writer, You Give Me the Answer, et à l'instant, Magneto and Titanium Man. On est en plein dans les Marvel, puisque là, dans pas longtemps, il va sortir les 4 Fantastiques, et ça risque d'être très très bien. Ça n'a pas de rapport tout à fait avec la saga, encore que Magneto et Titanium Man, on est en plein dedans. La suite de la saga, c'est maintenant, c'est un best-of Paul McCartney, un best-of live. Listen to what the man said. And he said, whoa. RG, la radio des Beatles. Don't extrait, bien entendu, de fantastique album Wings Over America. On en écoute encore. Rappelez-vous, en 1976, quelqu'un avait osé dire à Paul « T'en as pas marre de faire des stupides chansons d'amour ?» Il en a fait un hit, et notamment en live, parce qu'à l'époque, en 1960, enfin dans les années 70 en tout cas, lorsqu'il reprenait des chansons de studio, il les faisait en plus nerveux encore, et cet album-là est un album qu'il faut avoir, l'album Wings Over America. C'est un album indispensable, on pourrait dire « a masterpiece ». Vous êtes prêts à chanter avec moi, c'est les love songs, I love you et tout ça. RG 90.7, c'est un spécial McCartney en live. c'est pas mal. Et sachez que dans tout à l'heure, ou là, dans un moment, hein, dans un peu plus d'une heure, il y aura Eric et sa fantastique émission Johnny de A à Z avec la thématique suivante. Ça risque d'être très, très, très intéressant. Ce sera Goldman parle de Johnny. Oui, Jean-Jacques Goldman parlera de Johnny. Il a fait en 2003 un portrait de Johnny Hallyday qui sera diffusé ce soir à partir de 22h02. C'est moi qui le dis. Non, peut-être pas. Peut-être qu'on sera à l'heure. Sur RIG, dans le cadre de l'émission Johnny de A à Z de ce fantastique gars qui est mon ami depuis plus de 20 ans, qui s'appelle Eric. It's understood. It's in the hands of my love. And my love does it good. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. With a song here, which Robbie wrote this morning, actually, on his way here. And it's a little song you probably won't have heard before. It goes like this. didn't write, I didn't know what I would find there. Another road, but maybe I could see another kind of mine. We meet again, 'cause I had told you. Do I know the way? Stadium. Yeah, that's cool. Okay, this next song is from the Sgt. Pepper album. Stop. C'est en 1989 qu'il nous a proposé ça pour la première fois, en octobre 1989. C'était la première fois que je voyais Paul McCartney sur scène. Ce monsieur avait 47 ans à l'époque, et du haut de mes 25 ans, je me disais, d'abord je me disais, bon, c'est fantastique de voir l'auteur de toutes ces chansons-là devant moi, il a une pêche d'enfer. Je me disais même, pour 47 ans, il se débrouille pas mal le vieux quand même. Quelle honte d'oser dire ça. En tout cas, c'était fantastique parce que vraiment inattendu. Il n'y avait pas Internet à cette époque-là. Donc, même si certains, peut-être, pouvaient savoir ce qui se passait, parce que déjà, McCartney faisait les mêmes shows, mais ceux qui faisaient plusieurs shows, par exemple, pouvaient dire, il a fait ça, il a fait ça. Mais là, c'était inattendu, et ces deux versions de Sgt. Pepper sont absolument phénoménales et absolument géniales en live. Je vous propose donc un live ce soir pour l'avant-dernière émission de la saga des Fab Four de cette saison. Bien sûr, on recommencera au mois de septembre. C'est la saga numéro 643. Et je vais vous faire un petit rappel, puisqu'on a déjà passé les 1 heure d'émission, de ce qui est passé jusqu'à présent. Il y a eu, on va recommencer au début pour être certain, Venus and Mars, Rock Show, Jet, 20 Flight Rock, Whole Lot of Shaking Going On, c'est un soundcheck, And I Love Her dans une version plus lente, Paperback Writer, You Gave Me the Answer, Magneto and Titanium Man, Listen to What the Man Said, Let Them In, Silly Love Songs, My Love, Got to Get You Into My Life, et à l'instant, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Il nous reste encore à peu près autant à faire, alors on y retourne tout de suite dans la saga des Fab Four, spéciale Paul McCartney en live. We'll be right back. so in this next song, we want you to sing along. Yeah, so exciting. And in the middle of it, I'll say, now you, and you will all sing beautifully for us. Okay? Okay. Thank you. C'était la première chanson composée par Paul McCartney à un âge tout à fait jeune. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des extraits sonores de Paul qui datent du 5 décembre, je les avais enregistrés sur mon téléphone. Et là, je trouve que c'est l'occasion de vous les rapporter. Je voulais vous parler, profiter de l'occasion d'avoir fait un break pour vous dire que dans 3 quarts d'heure à peu près, ce sera Eric et sa fantastique émission Johnny de A à Z. Et ce soir, il va laisser la parole à Jean-Jacques Goldman qui va nous parler de Johnny, d'un portrait qu'il a réalisé de Johnny en 2003. Ça va être très très intéressant, évidemment. Ce sera à écouter à partir de 22h sur RIG 90.7. En attendant, c'est toujours le spécial, le dernier spécial Paul McCartney, mais cette fois-ci en live. Ça vous fera 8 heures de studio en best-of et 2 heures de best-of en live. C'est bien aussi, hein? La suite, c'est maintenant sur RIG. four walls. Sent inside forever. Never seeing no one nice again like you mama, you mama, you. Place tonight. Well, blue moon of once gone and left me blue. But it was all a moonlight night with the stars shining bright. Wind blowing high, my love said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on. J'entendrai chanter tout à l'heure également Eric dans une grosse hein, demi-heure avec son émission de Johnny de A à Z. Pour l'instant, on laisse aller Letting Go sur RG. just a little baby boy. Because your number brought me joy, sweet joy. Ooh, I come to her and he lies and says, I ain't never, no, no, never had you calling me. n'arrête plus rien jusqu'à la fin. C'est R.I.G., c'est la saga des Fab Four, le spécial Paul McCartney en live. Oh, oh, oh, oh, c'est pas du rock, ça? Qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? l'avant-dernière chanson, quand même, vous proposez un moment particulier pour Paul McCartney. Il avait pour idole son pote Brian Wilson. Il a été très influencé par lui. Et une fois, Brian Wilson lui a proposé de chanter avec lui « God Only Knows ». Lorsqu'il a fait les répétitions, il a pleuré à la fin de la chanson parce que c'était trop d'émotion pour lui. Et vous vous rendez compte, une légende comme ça, c'est trop d'émotion pour lui de chanter cette chanson qu'il met au-dessus de toutes les chansons. Voici la chanson chantée par les deux en live. Paul McCartney et Brian Wilson, same thing. Fantastic. We want to thank a lot of people here tonight. Out on the soundboard was Pablo. Good job, Roy. And then on the lights and the design, we have Roy and Steve. And then on the video screens, we got Paulie Baker and his team. Great job. All of us want to thank everyone in the crew that looks after the equipment, guitars and drums, everything. Best crew on the planet! Well, let's be good. And I want to thank this fantastic band of mine. City Horns. But most of all, like we say every time, all of us want to thank you. Merci à toutes et à tous. C'était l'avant-dernière émission de la saga des Fab Four. Je vous laisse en compagnie de Eric pour son émission extraordinaire Johnny de A à Z. Et là où on va aller de jusqu'à G. G comme Goldman. Voilà, il va tout vous expliquer. À très bientôt pour la dernière. La semaine prochaine, elle est déjà prête. Et salut.